Donc vous pouvez joindre notre radio au numéro suivant 01 41 11 28 40 tous les mardis de 14h à 15h. Avec bien sûr extrêmement de plaisir. Plaisir garanti sur Radio Nisiac, la radio qui a la niaque. Adresse mail, groupe radiophonique anière@gmail.com. Date de révision de toutes nos émissions, le jeudi à 21h et le samedi à 10h30. Sur notre radio, vous pouvez nous écouter sur Internet en direct tous les mardis de 14h à 15h15. Je vous rappelle l'adresse internet, email groupe radiophonique.anière avec un S, @gmail.com. On a oublié quelque chose. On a oublié de donner le lien internet de la radio. Qui est www.alsolnet.com/trim/lacolifata-nlacé/. Bonjour, moi c'est Morgane. Je voulais vous dire un mot des semaines de la folie ordinaire, puisque c'est aussi dans ce cadre que se passe cette émission aujourd'hui. Donc les semaines de la folie ordinaire, pour la petite histoire, elles sont nées à Reims il y a plusieurs années. Et elles ont été pensées par un collectif qui s'appelle le collectif Artaud, qui est lié à un lieu de soins qui s'appelle le centre Antonin Artaud. Et ce collectif, il est composé de soignants et de patients qui avaient envie de penser des semaines alternatives aux semaines d'information sur la santé mentale, pour que les questions du soin, de la folie, pour se réapproprier ces questions, en dehors des discours qui ont un peu la suprématie dans la plupart des médias, dans les institutions psychiatriques, qui sont des discours assez normatifs. Donc voilà, ça fait plusieurs années que ces semaines existent là-bas, et cette année, pour la première fois, on a eu envie de les exporter à Paris, parce que, en tout cas, en Île-de-France, ça fait un certain nombre d'années qu'il y a tout un tas d'énergie. Il y a des groupes d'entraide mutuelle, à des lieux de soins, à des collectifs qui, eux aussi, ont envie de se réapproprier ces questions du soin, de la folie, de quel type d'accueil on a besoin, de quel lieu on veut. Et c'était l'occasion d'articuler toutes ces énergies pour créer 2 semaines d'événements sur toute l'Île-de-France. Et cette semaine, c'est la 2e semaine. Donc tout va se passer à partir de maintenant, à la Parole Errante, où on se trouve en ce moment, qui est un lieu qui a été créé par Armand Gatti il y a plusieurs années. Donc, voilà. Je pense que ça doit être une célébration, la folie ordinaire, et la santé mentale, c'est plus... je sais pas. Mais je pense que la folie ordinaire, c'est plus pour faire la fête. Non ? C'est sûr. C'est intéressant, la définition de ça. Oui, c'est vrai qu'après, on peut tourner, imaginer pourquoi une 2e semaine, enfin 2 semaines entières de semaine de la folie ordinaire, organisée par les travailleurs sociaux qui s'occupent des fous, alors que la semaine d'information sur la santé mentale, c'est organisée par l'État de manière nationale pour informer les uns et les autres de ce que l'État propose pour la folie. Alors que la semaine de la folie ordinaire, les 2 semaines, c'est la fête, en effet, quoi. Des fous. Bonne continuation, plus on est de fous, plus on rit. Non, parce qu'elle disait que c'était la fête des fous, et je dis oui, merci, tout simplement. Ça vous satisfait? Oui, oui. Ouais. Mais pourquoi les collectifs Artaud? Ben, en fait, ouais, tu as tout à fait raison, c'est né au début, c'est né contre. vraiment, parce qu'en fait, on était une poignée de patients un jour à aller assister à un débat qui se tenait à la mairie de Reims pendant les semaines d'information sur la santé mentale. Était présent à la tribune un psychologue ou un chercheur en psychologie qui a sorti un discours qui nous a vraiment choqués, en fait, nous, en tant que patients, la façon dont il parlait de nous, quoi, de tous les gens qui souffrent. Voilà, son discours nous a paru complètement assez horrible, quoi. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on s'exprime, nous, sur comment on avait vécu la souffrance, et puis aussi le soin, et comment on allait mieux, et comment on créait, et comment grâce à ça, on se soignait. Et donc on a décidé de faire une série d'événements à Reims pendant les semaines d'information sur la santé mentale. Et donc nous, le terme de santé mentale nous posait un peu problème. Donc du coup, on a préféré mettre les pieds dans le plat et parler de folie. Et donc on les a intitulés « Semaine de la folie ordinaire ». On aurait pu appeler ça « Semaine de la folie extraordinaire ». En tout cas, moi, c'est la première fois que je venais ici à la parole errante. Et j'ai trouvé que tout le monde s'exprimait très bien, dans des registres différents. Et voilà. Moi, j'ai passé un moment pas ordinaire du tout, en tout cas, on va dire. Eh ben, la folie, ça fait ça. Ça fait vivre des trucs pas ordinaires. Il semblerait. Merci. Peut-être l'année prochaine, la semaine de la folie extraordinaire. Peut-être l'année prochaine, pourquoi pas. Hein. On peut aussi ça peut évoluer. Hein. Donc, c'est Umapsi qui est à l'origine de la folie. Umapsi, c'est un des collectifs qui organise les semaines les semaines de la folie ordinaire. Oui, excuse-moi, je suis distraite. En fait, c'est le collectif Arto qui vient de Reims. T'es pas distraite, quoi. Parce qu'en fait, il y a plein de collectifs avec plein de gens qui font partie de plein de collectifs. Donc, c'est un gros mélange. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont occupés. Un collectif de collectifs. Voilà, c'est ça. Je sais pas, peut-être on peut les citer. Moi, j'ai pas le programme sous les yeux. Donc, je la les folie pas ordinaire, tous, en mais, gros. Il y a donc l'association Umapsi, le groupe Psy Soins Accueil, il y a le club thérapeutique Via Nova, La Parole Errante Demain qui nous accueille pour la deuxième semaine. Tous les GEM, alors il y en a Saint-Denis, Arnouville, Épinay, Bondy. Et Bondy, Montreuil, j'en ai oublié un ? Non ? C'est bon ? Umapsi. Pardon ? Umapsi, c'est quoi ? Umapsi, c'est quoi ? C'est une association fondée par des patients en psychiatrie qui, depuis, s'est élargie et qui milite pour une reconnaissance de l'humanité de la folie et une meilleure prise en compte de la folie dans la société. Voilà. Croquer la vie à pleines dents. Pase lo que pase, sea lo que sea. me estás dando mala mía. Yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date vuelta. Cada día, por favor, no me dejas ni de mía. Tú me estás dando mala mía. Ya dice atrás mi corazón, aunque te dio también. Mano de la presente. Ça va mieux en France, a dit le chef d'État. Alors, est-ce que ça va mieux en France? On en débat dans la deuxième partie, juste après le journal. Moi, je reviens de la Bastille. Alors, je vais vous raconter un tout petit peu ma manif. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. Ça a été un peu compliqué de se retrouver entre les gens qui se connaissaient. Notamment, bon, les soignants de... Moi, j'ai vu plein de gens des hôpitaux. Il y en avait beaucoup. Donc, progressivement, on s'est retrouvés derrière la banderole de l'hôpital Maison Blanche. Voilà. Et là... En fait, il y avait notre copain Clément, là, qui fait partie aussi de la semaine de la folie ordinaire, qui est allé voir où étaient ses copains travailleurs sociaux. Et donc, on a fait un truc super, c'est-à-dire qu'on les a attendus et on a fait, avec nos deux banderoles côte à côte, on a manifesté ensemble entre la psy et puis même la santé. Et le social, quoi. Et en plus, comme tout ça, c'est des gens, pour une part, jeunes, mais pas que. Et donc, ils nous donnent une pêche d'enfer, quoi. Il y a une vie d'enfer dans ces cortèges-là. Et on ne passe pas son temps à se raconter, ce qu'on a fait la veille. Mais on dit des slogans ensemble. On dit des choses, quoi, très fort. Et on gueule, quoi. Et on tape dans les mains, on fait des choses comme ça. Et ça fait vachement du bien, le manif de cet ordre-là, quoi. Voilà. En tout cas, c'était une belle après-midi de printemps dans les rues de Paris. Pourquoi manifester ? Pourquoi cette manifestation ? C'est pour défendre le service public. C'est ce qui s'est dit très, très largement. Et notamment par rapport à la psychiatrie, on a aussi parlé aux gens, enfin on a raconté aux gens, on a parlé de la nécessité qu'il y ait beaucoup de monde qui travaille en psychiatrie, parce que c'est comme ça qu'on qu'on s'occupe des gens en psychiatrie. C'est ce qu'on appelle le soin relationnel. C'est la relation qui soigne. Et c'est tout le contraire aujourd'hui en psychiatrie. On enlève les gens et puis on donne des médicaments. Donc, donc nous, on dit non, ben, il faut des gens. Et puis, des gens, ben, ouais, les gens, ça coûte plus cher que les médicaments, mais on s'en fout. Parce que c'est ça qui accompagne, c'est ça qui soigne. Ça va mieux en France, a dit le chef d'État. Alors, est-ce que ça va mieux en France? On en débat dans la deuxième partie, juste après le journal. C'est un urinoir géant, ça, c'est une infection, c'est l'horreur. Radio Discussion. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Sobrevivientes de un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Radio Discussion. Ces derniers jours, des casseurs sont surpris aux vitrines des magasins. Ils sont plusieurs centaines à profiter des manifestations de nuit debout pour venir en découdre avec les forces de l'ordre. Venu pour ne pas laisser à la police le monopole de la place de la République. C'est une pure provocation que de venir manifester sur la place de la République où il y a une nuit debout. C'est comme si on avait les militaires qui manifestaient contre la guerre. Ils sont payés pour faire la guerre, les militaires. La police est payée pour exercer sa violence. Ils ont convié la population qui les soutient à venir. Alors, on vient, nous, on les soutient, on les adore. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos. Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo. C'est un urinoir géant, c'est une infection, c'est noir. Un effort pour prononcer un bout de la phrase, vous voulez, et les premiers à reprennent qui ont été mis par l'orateur. Et on peut aussi se mettre à moi, j'ai une idée, Radio Bonjour, comme on dit toujours bonjour, alors c'est bien, voilà, Radio Bonjour. Merci, patron. Voilà. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Réveil, vous pouvez nous joindre au 01 41 11 28 40. Peur, l'adresse email, groupe radiophonique, anière@gmail.com. Vous êtes donc maintenant passé sur Radio Valkyrie, tous les mardis de 14h à 15h15 en direct. Rediff de la radio, le jeudi à 21h et le samedi à 10h30. En streaming, Radio Cavalcade sur alsolnet.com/stream/lacodifata nlac. Après les loups sont entrés dans Paris, ce sont les chevaux qui entrent dans la Nièvre. Vous êtes bien sur Radio Valkyrie, la radio des amateurs de fromage en culotte courte. Soyez les bienvenus sur Radio Bancale, la radio qui aimait même à Cancale. Une nouvelle radio est née, Radio BCG, une radio belle, courageuse et gourmande. Vous êtes bien sur la radio Valkyrie et non pas Vache-Thierry. Vous pouvez nous écouter à alsolnet.com/stream/la-colifata-enlacée pour Radio Vache-Thierry Valkyrie. Bonjour, vous êtes sur Radio Basket. Là, vous pouvez donc nous joindre au 01 41 11 28 40. Merci beaucoup. Avec nous, bienvenue avec nous. César va devoir nous quitter, le monsieur qui fait de l'accordéon, et il va nous faire peut-être un dernier morceau, non ? Oui. Une valse que j'ai appris avec une fille qui jouait les bandoneons dans la rue. Et pour moi, c'était tout à fait incroyable de trouver en France, à Paris, une fille qui jouait les bandoneons dans la rue. Il s'appelle La Divine. C'est une valse. On écoute. Un tango qui s'appelle Derecho Viejo, quelque chose comme tout droit, mon vieux. Thank you. On est venu avec le nouveau journal qui est écrit au CATTP d'Asnières. Est-ce que là, dans la salle, il y en a qui voudraient présenter le nouveau numéro qui se trouve là sur la table ? Parce que je sais qu'il y a plusieurs journalistes. Demandez le programme, c'est pas cher, c'est que de la très haute qualité. Notre journal et tout, donc voilà, c'est le numéro 5 qui sort aujourd'hui. Alors, 1 euro et ou plus. Oui, c'est 1 euro et ou plus. Voilà. Et il sort aujourd'hui, Marc ? À votre bunker, messieurs, dames. Ah, mais je l'avais pas vu. Oui, je voudrais ajouter quelque chose à propos du journal, c'est que ça se vend en arrivant à vendre dans la rue. Moi, je n'ai acheté un, c'est un très divertissant, il y a beaucoup d'humour, notamment celui de Marc Fauchon, c'est qui est très, c'est en couleur, c'est très beau, donc ça nous fera vraiment plaisir si vous achetez notre journal à 1 euro ou plus. Donc voilà, bah, je vous souhaite, au cas où vous achèteriez le journal, une bonne lecture. Merci. Muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. En serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego. Alfredo, Sarah, Marc de la radio Son Nom, merci de nous avoir invités, Bruit de Couloir. Alors, nous sommes nombreux ici de Bruit de Couloir, quasiment tout le GEM, la chorale se recoupe plus ou moins avec Bruit de Couloir. Et je ne sais pas ce que les uns et les autres avaient l'intention de dire, moi je voulais placer ma capsule, comme dirait Clarisse, si j'ai bien compris, ou le mini-programme, comme dirait Alfredo, et je voulais parler d'une radio pionnière, l'une des premières, enfin il y en a eu au début du siècle dernier, mais je pensais à une radio de 79, parce qu'on est tous de quelque part, d'Argentine, de France ou de Navarre, mais on est aussi chauvin, on est d'Asnières, de Gennevilliers, de Saint-Denis, et moi je suis berbéro-lorraine, je viens de Lorraine, et je parlerai de la radio Lorraine Cœur d'Acier, qui a été créée le 17 mars 1979

c'est exceptionnel, enfin c'est exceptionnellement que c'est ouvert ou Bah, c'est ouvert quand il y a des événements et du coup l'objectif c'est qu'il continue à y en avoir parce que c'était un peu compliqué ces derniers temps pour ce lieu, ça a failli fermer, etc. Pour l'instant, les choses sont en train de se construire pour que ça continue, on l'espère. Et pour répondre à votre question, souvent le week-end il y a des choses et c'est beaucoup des concerts de soutien, des événements. C'est un lieu où il n'y a pas du tout de moyens, donc quand on arrive on doit un peu tout faire soi-même. Tout est toujours à prix libre pour permettre justement à chacun de pouvoir venir et de soutenir des événements militants, des luttes. Voilà, du coup c'est plutôt le soir et en fait il y a un site qui s'appelle La Parole Demain, où il y a toutes les informations et où on peut se rendre pour... Il y a également un centre social autogéré qui est juste à côté, et une librairie qui s'appelle la librairie Michel Firk, où c'est un café-librairie très sympa, où il y a plein de bouquins et où il y a aussi plein de choses qui se passent. Et là, c'est ouvert la journée. Peut-être que tu pouvais nous dire un peu de l'histoire de la Parole Errante et les buts. Alors, je ne suis pas la mieux placée pour ça. Mais ce que je peux dire, mais en quelques mots, la Parole Errante, c'est un lieu qui a été créé par Armand Gatti, qui est un homme du théâtre et qui a créé ce lieu il y a plusieurs années. Il est décédé l'année dernière et du coup, ce lieu a été fait comme une espèce de plateau théâtre en fait. Donc pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est ça ressemble à un grand hangar, c'est une grande pièce et à chaque fois le décor peut se réinventer comme on a essayé de faire un peu pour cette scène de la folie ordinaire avec les moyens qu'on a et voilà, donc ce lieu c'est lui qui l'a créé mais après il s'est construit avec les gens qu'il a rencontrés au fur et à mesure et là c'est des gens plutôt jeunes qui ont repris les choses et je passe la parole à Julia qui connaît mieux l'histoire de la parole. Bonjour. Donc je ne sais pas ce qui a été dit jusqu'à là. D'accord. Et du coup, alors moi je fais partie, comme plein d'autres gens ici, du collectif La Parole Errante des Mains. Et donc nous participons aussi à l'organisation des semaines de la folie ordinaire et qui sont accueillies pour la deuxième semaine ici, comme disait tout à l'heure Morgane. Et donc les collectifs La Parole Errante des Mains existent depuis 2 ans maintenant. Et puisque ces lieux appartiennent au conseil départemental, donc nous luttons pour qu'ils restent ouverts à plein d'événements différents, à des concerts de soutien, à des événements comme les semaines de la folie ordinaire, à des rencontres militantes et puis aussi que ce soit un lieu de création avec des pièces, des projections, des résidences. Il y a un centre social autogéré qui a été créé il y a maintenant presque 1 an et demi. Il y a la librairie Michel Firk qui est rattachée au lieu où il se passe énormément d'événements, des présentations de bouquins, des discussions, des arpentages. Et voilà, donc les conseils départementaux essayent de changer un peu la nature de cet endroit et de le rendre un peu plus, disons, formaté comme les lieux culturels qui existent un peu partout maintenant, donc avec des entrées payantes, des vigiles. Voilà. Et nous luttons, nous sommes en train de négocier quand même, mais nous posons quand même certaines conditions pour qu'on puisse rester ici, on puisse continuer à organiser tous ces événements qui se font avec très peu de sous, avec des entrées à prix libre et ouvert à tous et à toutes. Voilà, il se passe énormément de choses ici tout le temps. C'est un lieu extrêmement vivant. Donc, d'ailleurs, jusqu'au 31 mars, il y aura un concert énorme qui, pour la fin des 3 semaines de résidence de l'émeute philharmonique de SEC, qui est un événement qui rassemble plus d'une centaine de musiciens et musiciennes qui ont des niveaux très très différents et qui font de l'impro, de la musique noise, donc c'est un truc assez incroyable. Et les 31 mars, il y aura un grand concert pour la fin de cette résidence. Et donc c'est juste pour dire qu'il y a tout le temps des choses qui se passent et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller sur le site laparoleerrantedesmains.org. Voilà, et là il y a tous les événements, les mises à jour qui se passe ici. Merci beaucoup et merci beaucoup à Alfredo et à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui pour cette émission. Et voilà, et à très bientôt. On va finir avec la chorale, mais avant, je vais remercier La Parole Errante d'avoir fait la place pour nous, et vraiment, et spécialement. Et aussi, ce soir, si vous restez, il va y avoir un concert de Justine au bénéfice, je sais pas comment c'est dit en français, mais bon, au bénéfice pour pour soutenir et Kolifata France. Et merci beaucoup Alexandre Vaillant et de tout de corazón. Gracias, un poquito de lo que viene esta noche. Bon ben voilà, je suis Jean-Pierre Montand, je suis patient à moitié depuis 2008. Salut les cœurs. Et retour à la Catalogne et la défaite, républicaine, où c'était qu'il le fin du monde à l'arrivée de Francisco, l'histoire du fumé dans les corps, le schizophrène dans la tranchée, embrasser les bords militaires et renseigner le monde du temps sur l'écrasement de nos fantasmes et s'éloigner de l'Espagne, franchir les Pyrénées, se réfugier en nos. Salut les cœurs. Et retour à la Catalogne, Institut Belémata, l'unification marxiste des noms du professeur Mira. Sur le front du sud, une putain infirmière embrassait les forts militaires et renseignait le militant. Et s'éloigner de l'Espagne, franchir les Pyrénées, se réfugier en Lozère et retrouver le marginal politique à la folie. Le groupe des Gêneurs, les gens du GEM de Saint-Denis, vont vous interpréter une chanson hommage à la libération de Nelson Mandela, donc figure emblématique de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, et hommage aussi à ceux qui ont perdu la vie au cours de cette lutte. C'est une chanson que tout le monde connaît, je pense, donc de Johnny Clegg et du groupe Savuka, qui s'appelle Asim Bonanga. La fécona, la fécona. On bossait le nouveau répertoire là pendant les répètes du mardi et Johnny est mort. On est obligé de faire un Johnny. Une chanson qui s'appelle Tennessee. D'ailleurs, je crois qu'ils en parlent dans le et tout et tout de Johnny. Il n'est pas mort. On cherche les paroles. Quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers la vie. Y'a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose de Tennessee. Thank you.

table d'Adata. Armstrong un jour tôt ou tard, on n'est que les autres. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Merci Alfredo.